Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. Simon Fitzbé nous fait une chronique phénomène pour la revendre plus tard. Et François Landry nous parle de politique. C'est assemblage requis, ça commence dans 3, 2, 1, maintenant. Le jeudi, d'habitude, c'est comme une journée qui passe un petit peu inaperçue, mais là, j'arrive dans le pavillon des Rébauchemins et l'odeur de bière me fait dire « Ah, c'est vrai, on est jeudi. » Ouais. Le mercredi, c'est vraiment la fête ici. Ouais, hein, ben, certaines semaines, je sais pas, je pense que ça a changé, c'est rendu plus à toutes les semaines, je crois le 10-12. Ben, encore, là. Non, mais à date, je pense qu'ils l'ont ouvert pas mal à toutes les, ouais, toutes les mercredis. Ça fonctionne encore, donc. Ben oui, en fait, plus ou moins. Mais là, je pense que ça va tendre à diminuer jusqu'à la fin de la session. Au moins. D'accord, c'est sûr. Donc, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 27 octobre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Et on est en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières. Aujourd'hui, à l'émission, François, on a un bon petit plan de jeudi, là, comme toujours, là, des plus savoureux. Mm-hmm. On l'aime. On aime bon le lécher. Oui, exactement. Ce jeudi-là. Comme un fond de... Oh, tu peux lécher qui tu veux. Oui, oui. Moi, je vais te regarder. Ah, parce que t'es un regardeur, toi. Ben, je suis un témoin. C'est ça. La communauté des Watchers, des Watchmen. Ouais, c'est ça. Écoute, toi, je sais que Liché t'adore ça, donc tu je suis plus un faiseur qu'un regardeur. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à l'émission, François? François Landry, oui, nous parle de commission. Il dit commission en guillemets français, là. Commission. Commission. Est-ce que peut-être le mot commission veut dire... Bon, au dépendant, j'en reviendrai pas. Ou... Non, plus une commission, tu sais, les vendeurs qui reçoivent des commissions. Je sais pas. Je sais pas, je dis ça de même. C'est mystérieux, tout ça. Commission d'enquête. Ça, c'est à 8h30. Ouais, exactement. Avant ça, à 8h, on a Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène. Aujourd'hui, il nous parle d'un sujet assez intéressant. C'est un petit peu presque la suite de la semaine dernière. Tu te rappelles que la semaine passée, on parlait de piratage? Ouais. Oui, cette semaine, c'est le bootlegging. Le bootleg, ouais. C'était à la mode dans le temps. Je crois que c'est peut-être encore pour certains trucs, des spectacles, des trucs comme ça. Je sais pas. On va parler avec lui tantôt. Le bootlegging à 8h. D'ici là, la chronique Geek CNX avec, entre autres, des nouvelles sur le fait que la web télé prend son envol au Québec. Ça devient de plus en plus populaire, tout ça. Ouais, on va en parler. Et ça existe, mais ça devrait pas, on l'a, avec un paquet de solutions à vos problèmes. Par exemple, vous aimez ça jouer avec des avions de papier, OK? Ouais. Et votre porte tient pas ouverte. Fait que, tu sais, tu mets un avion de papier qui tient ta porte ouverte. En dessous de ta porte, ça... Ouais, c'est moyen. C'est moyen, hein? Ouais. Ça va être tantôt. Une chronique moyenne, ça. J'ai hâte. Moi aussi. Hey, puis on a Régis Solerie aussi. Oui, avec sa série sur... en fait, c'est l'Halloween par extension, si on veut. C'est sur le diable dans tous ses états. Exactement. On va continuer cette série-là en 14 parties jusqu'à l'enfant. On a aujourd'hui pour presque finir ça. Et après ça, lundi, là, ça doit être fini. Ouais, c'est ça. Lundi, on finit ça. Alors oui... Là. Oui, au pire, on en passera. Enfin... Ouais... Dans la même émission. Ça ressemble à ça. Il n'y aura pas de contenu du tout. Non, c'est des blagues. On commence l'émission d'aujourd'hui avec des Call Me Rico. On n'a pas encore joué ça à Assemblage Requis, en tout cas pas très très souvent, ou sinon jamais. Voici Blue Moon of Kentucky, nouvelle entrée du palmarès anglophone. Ça commence maintenant. Bonne émission. 1, 2, 3, 4, Blue Moon. Back on my baby tonight. Blue moon, but you were shining bright. I said blue moon,

ourselves right into it. Where later bodies have been claimed. We dove a third, a fourth, a fifth. Back to the spirit that I crave. Oh, I need some sunshine. Parce que c'est ça qu'ils font avec les. Pour mettre les pots sous vide, c'est ça qu'ils font, ils mettent dans le chaud, puis. Ouais, exactement. Parce que François, le matin, il a son chocolat chaud, puis ça fait pop. Tu sais, c'est un pot maçon, ton enfant. Pop! Pop! Faut que tu fasses le pop en onde, tu sais. Ouais. Prochaine fois, moi, c'est. C'est tout le monde. Mais il le fait pas à chaque matin, tu sais. Non? C'est plate, ça. Bon, ça me dérange plus. Bon. On vient d'entendre Timber Timber avec un morceau, moi, que j'adore. Je trouve que c'est sûrement un de mes préférés sur l'album Creep on Creepin' On. C'est Black Water. Vraiment excellent. Maintenant, assemblage requis, voici Cynix. Tu vas être content aujourd'hui, François, il n'y a pas d'extrait de Chiptune à la fin. Wouhou! Ben non. Je pense que je serai pas tout seul qui va être gros. C'est ça, une fois de temps en temps. En tout cas, moi, je vais être triste. Là. Le reste, ben, vous ferez donc ce que vous voulez. Commençons avec la web télé qui prend son envol au Québec. Hein. Le visionnement d'émissions de télé sur Internet est de plus en plus populaire au Québec selon une étude de Cefrio publiée mercredi. Selon l'étude du Centre francophone d'informatisation des organisations, près d'un tiers des adultes québécois sont adeptes de la web télé qui devient la deuxième activité favorite de divertissement en ligne dans la province avec un bond de 54,7% par rapport à 2010. Les 35-64 ans sont de plus en plus nombreux à regarder la télé sur Internet alors que ce type de divertissement reste stable pour les internautes de 18 à 34 ans et de 65 ans et plus. L'activité la plus populaire reste tout de même le visionnement de vidéos sur le web. Les adultes québécois sont 2,8 millions à naviguer sur les plateformes comme YouTube et Dailymotion. Est-ce qu'au Québec, les gens utilisent Dailymotion, par exemple? Je sais pas. Je n'entends pas parler tant que ça. Le téléchargement de musique en ligne, activité ancrée dans les habitudes des adultes québécois, reste stable par rapport à 2010, concernant 1,6 million d'adultes québécois. Le téléchargement de livres numériques demeure au contraire une activité marginale, selon l'enquête. Hein, je ne suis pas très surpris là-dessus, comptant seulement un demi-million d'adeptes. Alors que les sites Internet dédiés aux jeux en ligne rencontrent toujours un réel succès, les jeux sur les réseaux sociaux pourraient connaître un bond en 2012, les Farmville, etc. Selon la directrice du projet d'enquête, la popularité des jeux sur les réseaux sociaux sera certainement à surveiller l'an prochain, tout comme les applications de jeux mobiles en ligne qui sont annonciateurs de nouvelles tendances dans le secteur du divertissement en ligne. Eh bien, les jeux comme Farmville, hein? Pas mon genre. Wow. Ouais, moi non plus. Mais c'est ça, ça intéresse une portion de la population et une proportion grandissante. Restons dans les vidéos, un peu dans le même genre de sujet. Le site de vidéos sur Internet YouTube du groupe Google pourrait annoncer dès la semaine prochaine des accords avec divers groupes de médias et des célébrités sur la production de programmes originaux qui diffuseraient sur les chaînes thématiques, selon le Wall Street Journal. Le quotidien citait mercredi parmi les partenaires attendus la société Electus, filiale du groupe Internet IAC, chaîne Réveil, propriété du groupe News Corporation de Rupert Murdoch, et là, je pourrais continuer très longtemps. Il y a le créateur, entre autres, de la série CSI et le skater Tony Hawk. Oh! OK, oui. Google, qui n'a pas commenté ces informations, miserait plus de 100 millions de dollars pour transformer YouTube en un nouveau fournisseur de sorte de chaîne télé gratuite diffusant des programmes de qualité professionnelle financés par la pub. Déjà qu'il y avait beaucoup de pubs sur YouTube, là, ouais. Ça va devenir quelque chose. Ces chaînes seraient réparties en une vingtaine de catégories thématiques sur la cuisine, la comédie, les informations, par exemple, et offriraient des programmes spécialement adaptés au web plutôt que copiés sur le modèle de la télévision. Donc, on peut s'attendre, j'imagine, à des émissions beaucoup plus courtes, plus punchées, plus directes. Cette offre compléterait la diversité de l'offre de YouTube à l'origine d'un site d'échange de vidéos amateurs acheté par Google en 2006 pour 1,65 milliard de dollars, devenu au printemps loueur de vidéos à la demande. On s'en rappelle. Cette activité est déjà le fruit d'une collaboration entre YouTube et plusieurs des grands studios hollywoodiens comme Sony Pictures, Warner Brothers, Universal et plein d'autres. Est-ce que tu aimerais regarder des émissions sur une chaîne YouTube? Ben, j'en regarde, en fait, sur Tout.tv. OK, oui. Ça fonctionne très bien. Le site de vtl.ca, moi... Jamais essayé, par exemple. Très bien fait, ça. Très, très bien fait. TVA, évidemment, j'imagine qu'ils gardent ça pour leur Vidéotron ou... Ouais. Telle émission de TVA est présentée par Vidéotron. Ah, donc, TVA présente TVA, Québécois présente Québécois, hein, c'est convergence. Faut tout le temps mener le monde vers la même place. On en parlait la semaine passée dans la collègue CNX, François, des prix des disques durs qui allaient grimper à cause des inondations. Ouais. Tu t'appelles de ça? Ouais. Donc, c'était prévu, c'est en train d'arriver. Conséquence des inondations en Thaïlande, le prix des disques durs est en train de monter. Selon Western Digital, 40% de la production mondiale de disques durs provient de Thaïlande. Dans l'article « Pénurie de disques durs et hausse des prix », on annonçait la diminution des stocks et une hausse de prix annoncée pour novembre. Et bien, finalement, il aurait fallu qu'une semaine pour que ça soit le cas. Et la hausse est spectaculaire. Certains prix ont en effet bondi de 50 à 100% selon cet article de branchezvous.com. Tom's Hardware, un site web, indique par exemple que vendredi dernier, un disque dur interne Samsung SpinPaint M8 de 1 Teraoctet coûtait environ 112 $. Aujourd'hui, ce même disque dur est référencé à 219. Oh, quand même. Ça fait mal double. C'est le double, puis ça fait mal. Ça fait mal au portefeuille. Une chance que je me suis stocké de disque dur avant ça. Hein? Un disque dur Western Digital qui se vendait 72 $ lundi revient maintenant à 161 $. Incroyable. Sur Twitter, on peut d'ailleurs lire de nombreux commentaires de consommateurs qui se sont aperçus de cette flambée des prix. Et je cite, « Impressionnant la hausse du prix des disques durs à cause des inondations en Thaïlande, 50 à 100% sur certains disques. » Wow, hein? C'est vraiment pertinent d'écrire ça dans un article. Autre conséquence, le prix des ordinateurs pourrait augmenter de 20 à 30% à cause du disque dur à l'intérieur, évidemment. On parle pas encore de pénurie mondiale et tous les fabricants n'ont pas encore répercuté la hausse. Mais si votre achat de disque dur n'est pas indispensable, il serait judicieux de le retarder le temps que les usines retrouvent leur rythme normal. Moi, je suis certain que ça va se vendre quand même. Ouais. Il y en a qui en ont besoin, puis il y en a qui ne savent pas combien ça vaut. Un disque dur, ils vont aller dans les magasins, ils vont voir que c'est partout à ce prix-là. Ils vont peut-être en acheter quand même. Je sais pas. Non, sûrement. On va voir. J'imagine, mais puis en même temps, si ça t'en prend un là. Oui, c'est ça. Il y a des raisons pour ça. Là. Mais oui. Au pire, achète-le de quelqu'un d'autre qui en vend. Hein. J'en ai en trop, si vous en voulez. Appelez Mathieu Plante. C'est ça. Angry Birds et l'iPad dans l'espace, François. Non, ouais. Avec le petit oiseau. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une nouvelle version du jeu. Okay. C'est pas une nouvelle version de Angry Birds dans l'espace. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non. C'est le 30 octobre prochain, donc dans 3 jours. C'est quoi? C'est dimanche? Ouais. C'est bien ça, dimanche. Donc, le programme spatial russe va envoyer à son équipe de la Station spatiale internationale du nouveau matériel qui inclura notamment la populaire tablette d'Apple, l'iPad. Cette fois, ce matériel informatique ne servira à strictement rien d'autre que de la détente et le plaisir. Comme le rapporte Yahoo Tech, un vol habité prévu pour le 14 novembre ira un peu plus loin. Les 3 astronautes russes vont traîner avec eux une peluche Angry Birds dont la mission sera de servir d'indicateur de gravité zéro. C'est très pratique. Pardon. Est-ce que l'équipe marketing de Rovio est au 7e ciel? Dit l'article. Débranchez-vous. Non, mais sans blague, iPad pour jouer au Angry Birds, ça va, mais une peluche de Angry Birds. Quoi que c'est cute, mais ma copine, on a acheté au magasin un petit toutou d'Angry Birds accroché après son miroir, là, qui, comme des fois, prend l'air de c'est de l'air climatisé. Fou, on le voit voler. Dans l'espace, c'est la même chose. On est comme des avant-gardistes, je pense, de l'Angry Birds. Une autre tuile s'abat sur le fabricant canadien Research in Motion, c'est sûr qu'il fabrique le BlackBerry, François. Une demande d'autorisation de recours collectif contre l'entreprise a été déposée en cour supérieure par le bureau d'avocats montréalais Consumer Law Group. Cette procédure fait suite à la panne informatique majeure. Et on se rappelle, du 10 au 14 octobre, personne ne pouvait envoyer ou recevoir d'affaires sur... Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y. Il rit de moi. Non, je ris pas de toi. Non, je ris pas de toi, c'est parce que tu m'as donné l'idée d'aller voir le site de VTV. Là, je regarde du coin de l'œil les détestables et puis... Ça te fait rire. Ah, hein? Colin, les détestables, hein? Ah, ouais. Oh, oui. Ah, quel succès. Fantastique. Ouais. Les initiateurs du recours collectif souhaitent ainsi obtenir des dommages et intérêts pour tous les utilisateurs du réseau BlackBerry au Canada qui n'ont pu bénéficier du service habituel lors de cette période. Suite au rétablissement du service, Research in Motion s'était pourtant engagé à offrir 100$ d'application gratuite à ses usagers, ce qui est plutôt généreux. Ce qui semble néanmoins insuffisant pour les initiateurs du dit recours collectif qui jugent que l'entreprise canadienne se devait de les récompenser directement par l'entremise des fournisseurs de téléphonie mobile. 10, 11, 12, 13, 14, pendant 5 jours, ils n'ont pas eu de service. Puis là, ils font une poursuite sûrement pour des milliers de dollars. Écoute, quand ça t'a le prêt? Ils ont perdu des contrats. Ben ouais, c'est ça. Puis il n'y en a pas d'autres téléphones là, que leur BlackBerry. Pour, ils peuvent pas contacter personne d'autre que par leur... Ils n'ont aucune autre façon. Non. C'est le moyen de communication, le seul. Unique. Bon. Commentaire là-dessus, hein. Il s'est téléchargé davantage d'applications Android que d'applications iPhone et autres iTrucs au cours du deuxième trimestre de 2011, François. Oh, ouais. Ouais, je sais que tu m'écoutes pas, tu regardes un sketch des détestables. Non, je t'écoute. Ça a l'air drôle ce que je dis. Non, mais c'est. C'est drôle. Ouais, c'est quand même comique. Selon ce que rapporte la firme ABI Research, les parts de marché d'Android se sont élevées à 44% pendant cette période contre 31% pour celles d'iOS. Ça, c'est iPod Touch, iPhone, iPad. Nokia arrive bon troisième, suivi de RIM, ça c'est le BlackBerry dont on parlait. ABI n'a pris en compte que les applications pour téléphone cellulaire intelligent. On dit que la stratégie libre d'Android est la principale clé de son succès. Ah, c'est moins fermé que l'iPhone, où tu peux pas faire grand-chose autre que ce qu'il t'offre de faire. Quand tu parles de moins fermé, c'est quoi? Le marché des applications est plus surveillé chez Apple. Ils ont la main sur chaque application. Ils décident si elle passe ou si elle passe pas. Puis Android, c'est pas la même chose? Peut-être que c'est plus ouvert. Ouais. Tu peux changer plus de choses sur un Android. Tu peux changer même jusqu'à ta police de caractère dans ton téléphone. Ouais. Alors que sur iPhone, tu peux pas. Moi, je préfère une interface avec le souci du détail. Chez Apple, je trouve que le souci du détail, oui, t'es fermé sur ce que tu peux faire, à moins de le hacker, mais c'est bien fait, tu sais. T'as le souci du détail. Sur Android, les boutons sont jamais nommés pareils, la façon de changer de place ou de revenir d'une page est jamais pareille. Faut tant que tu cherches partout, les boutons sont mal placés. J'ai pas essayé beaucoup, j'ai lu quelques articles là-dessus, mais je dirais que moi, c'est ça. C'est plus la fiabilité des produits Apple que j'aime, mais bon. Android fonctionne parce que c'est beaucoup moins cher aussi. Il faut quand même comprendre qu'il y a cet argument-là du côté de l'Android. Là, on parle des applications qui en a plus que les appareils de Apple. Mais s'il y a plus d'applications achetées, ça veut dire qu'éventuellement, c'est plus d'appareils vendus aussi. Ouais, ça va ensemble. Ouais. Donc voilà pour Android. Et on termine avec une nouvelle sur Mozilla qui a fait un deal, un marché. Deal with the devil. Donc, ils ont fait un pacte avec Microsoft pour faire une version de Firefox, mais avec Bing à l'intérieur au lieu de Google. OK. Étrange, hein? Pour la première fois de son histoire, Mozilla délaisse Google pour une version inédite de son navigateur Firefox, incluant Bing comme moteur de recherche par défaut. Partenaire de Google depuis toujours, Mozilla a décidé de goûter à la crèmerie d'en face, dit l'article de CNET France, avec le lancement d'une version Firefox avec Bing comme moteur de recherche par défaut. Jusqu'à présent, Firefox utilisait donc Google comme moteur de recherche, même si Bing faisait partie des moteurs disponibles. Tu peux choisir de chercher par Bing dans la petite barre de recherche, mais par défaut, c'était Google. Mais Bing, ça fonctionne bien? Je sais même pas les chiffres de Bing, si ça fonctionne si bien que ça. Mais est-ce que tu l'essayes? Pas vraiment, non. Et à chaque fois que j'ai utilisé Bing et Google, c'était les mêmes résultats. Et même que, si je me trompe pas, Google avait fait des termes de recherche. Il avait fait... Comment qu'il disait ça? Un mot au hasard avec des caractères au hasard, OK? Genre signe de dollar, FG, 8, 4, etc. Il a fait un résultat de recherche avec ça. Et puis là, ils sont allés ils ont attendu Et là, sur Bing, ils ont fait la même recherche et ça donnait le même résultat sur Google. Mais c'est pas une vraie page web. Donc, ça prouvait que Microsoft volait le système de Google. Ouais, c'est ça. Ouais. Il fonctionnait avec. Exactement. Ben, c'est un peu comme la même affaire que, tu sais, dans les systèmes de cartes routières, les compagnies vont tout le temps insérer une fausse rue en quelque part pour que si quelqu'un copie, une autre compagnie copie la carte et que la fausse rue se retrouve dessus, c'est qu'ils ont, tu sais, c'est qu'ils ont copié la carte. C'est donc pas eux qui ont fait la carte eux-mêmes, tu sais. Tu comprends ça? OK. Ça, je savais pas. Ben, c'est vrai. Fait que c'est ça. C'est comme un drôle de principe qui fait que, bing, c'est comme, tu sais, tant qu'à ça, on va aller chercher sur l'original. Ouais. Il va bien, Google? Ouais. Il va bien. Oh, c'est ça, c'est que ça fonctionne bien. Ça va très très bien. Allez voir firefoxwithbing.com si jamais ça vous intéresse de télécharger la version Firefox avec Bing comme moteur de recherche par défaut. Et, il me semble que, je sais pas, je comprends pas l'intérêt alors que tu peux de toute façon changer pour Bing dans Firefox original. Pourquoi télécharger ça? Pourquoi? Sûrement parce que Microsoft leur a offert un gigantesque montant d'argent. Et eux de dire « Oui, bien sûr, monsieur. » Ouais. Et de mettre une page sur Internet avec un petit bouton pour changer l'engin de recherche. Ridicule, mais c'est ce qui arrive de nos jours avec l'argent qui convainc ben d'argent. C'est le nerf de la guerre. C'est ça. The nerve of the war. Genre. C'est tout pour CNX aujourd'hui, François. Merci, Mathieu. Pas l'extrait de Chiptune. Yeah! Je m'excuse. Wouhou! Wouhou! Hey, hein? Formidable. T'es vraiment fin avec on aime ça. Je pense que, vois-tu, sincèrement, là, je veux pas que tu te fâches. Non. C'est pas mal ta meilleure chronique. Merci. Que t'as jamais fait. T'es vraiment fin. Je t'haïs. Hey! Hey! Reste poli, petit polisson. Hey, écoute, on va en publicité. Ouais, là, je pense qu'on n'a pas le choix, là. Non, on n'a pas le choix. Après ça, on va revenir. Il va y avoir de la musique. OK. Après ça, je m'en ai dit François Landry, mais non, c'est Simon Fitzbé. Simon Fitzbé s'en vient avec sa chronique Phénomène. Il nous parle de bootlegging. Exactement. Mais François Landry va être juste après. Avec sa commission. Commission. Entre guillemets. Entre guillemets. D'enquête. Pour moi, c'est enveloppe d'argent, je voulais dire. Ah oui. Peut-être. Je sais pas. Intéressant. J'espère qu'on va parler de Pauline Marois aussi. Tu l'aimes, Pauline, hein? Non, mais ça va pas bien pour elle. Là. Non. Moi, c'est Pauline Martin que j'aime. Puis Martin Drainville. T'es trop plus drôle, là. Dans Carmen San Diego. Je trouve Pauline plus drôle, moi. Pas les Marois. Ah ouais. Quand elle parle en anglais. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89. Oh. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Like a memory haunts me now, as if it were a dream.

ta voix encore résonne et tu as merde de ton succès qui ne t'a porté que des regrets. Ou si tu recommencerais, dis-moi. Ou si tu recommencerais, dis-moi. Le business t'a repoussé dans le jeu, tu n'es pas entré. On s'est amusé à te faire tomber, ça t'a pratiquement tué. Les baisses sont-elles refermées, dis-moi. Je sais pas. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Comment ça va, Marc-Antoine? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Marc-Antoine? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Marc-Antoine? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Marc-Antoine? J'entends comme ta voix qui résonne. Catégorisé, presque impossible d'y entrer. À moins de vouloir se prostituer pour peut-être vivre de ce métier. Alors comment vouloir rentrer, dis-moi. Pourquoi vouloir continuer, dis-moi. Je sais pas. Bien sûr, à force de lutter, tu finiras par y arriver. Quand tout sera cicatrisé, tu n'auras plus à exorciser les démons qui t'ont toujours hanté, c'est ça. Les démons qui t'ont toujours hanté, c'est ça. Comment ça va, Margarita? J'entends quand ta voix qui résonne. Comment ça va, Margarita? Deuxième heure d'Assemblage Rocky, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce jeudi 27 octobre 2011. Quelle belle date. Lui, c'est François-Louis Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, le mois prochain est fini. Oui, certainement. L'Halloween lundi. C'est vrai, la prochaine fois qu'on va se retrouver, on va être... Ça va être l'Halloween. C'est quelque chose quand même. Et ouais. Ensuite, le mois de novembre. Oublie pas, mes bonbons. Bonbons. J'en veux. Une nappe pour me déguiser en toi. Non. Je veux des bonbons. Des bonbons. Ouais. Des bonbons. Non. Des moments? Oui. Je pense qu'il me reste quelques Bigfoot du concours de l'année passée. Des blagues. Non. T'en as un peu. On hein? veut des frais. On a beaucoup mangé. Je veux des roquettes. Des roquettes? Ouais, je veux ça, des roquettes. C'est des petits bonbons ronds, là. Ouais, des espèces de. Convexes ou concaves, oui, c'est ça, ouais. Hey, dans d'autres pays, ils appellent ça des Smarties, cette affaire-là. Parce que les gens qui n'ont pas les Smarties qu'on a, ouais, c'est ça, les Smarties. Ah. Des roquettes. Ouais, des roquettes. Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi? Les gommes, là. Une espèce de gomme ballon. Pas les casse-gueules, là. Juste des petites gommes que t'en prends comme 15 pour faire une boule avec. Ouais. C'est bon, ça? Ouais. Ça goûte beaucoup. La saveur est très intéressante. Ouais, c'est ça. Sur le moment. Ouais. Ça reste pas longtemps. Non, ça dure pas très longtemps. Est-ce qu'on écoute un petit peu de musique? Vas-y donc. Francophone, avant de recevoir Simon Fitzbé, sa chronique Phénomène, voici une autre excellente pièce du palmarès francophone. C'est la formation R1. Voici Le soleil plein les yeux. J'ai marché 24 heures journée sans jamais m'arrêter, j'ai marché comme un nomade dans la ville pour me trouver. Le soleil plein les yeux dans la ville blanche. Perdu, place d'armes se vide tranquillement. J'ai pas dormi de la nuit. Je sais bien qu'on m'attend. Erewhon et le soleil plein les yeux à Assemblage Requis sur C'est fou 89.1 FM. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Maintenant, François-Louis Marchand. Mathieu Plante. C'est le moment d'accueillir Simon Fitzbé. Voici oh. Phénomène. Simon Fitzbé plein les yeux en ce moment et c'est tellement plaisant. Ouais. Salut. Avec mes cheveux tout croches. Ah, c'est vraiment c'est génial. Tu peux pas être pire que moi. Matin, j'ai une rosette en arrière. Elle veut pas tenir. Oh, ouais. Je me suis levé ce matin, j'avais l'air de Wolverine. J'avais comme un W dans les cheveux. C'était incroyable. Génial. Aujourd'hui, Simon, tu nous parles de bootleg. Comme à la prohibition américaine, dans tes longues bottes, tu t'es mis une bouteille d'alcool. Effectivement. Pour toffer la chronique. Oui, c'est ça. Je vais en avoir besoin, je crois. Oh. Non, mais quand même, écoutez, l'industrie du disque, comme on l'a vu précédemment, la semaine dernière, est un monde à part quand on arrive à la mise en marché des produits, les albums des artistes et autres formes de médias. Donc, c'est différents produits qu'ils peuvent mettre en vente, mais qu'ils ne mettent pas nécessairement toujours en vente au bon moment. Bref. Il arrive à l'occasion que l'industrie juge qu'un album ne mérite pas une sortie grand public et décide de la mettre sur les tablettes pour longtemps. Ce sont parfois aussi les artistes qui décident de ne pas lancer le matériel enregistré ou les fans qui enregistrent eux-mêmes leurs artistes favoris afin de pouvoir les réécouter dans le futur. Ces pratiques ont contribué à mettre sur pied une industrie parallèle d'albums dits pirates qui ont créé des légendes bien au-delà du mécontentement des parties lésées, c'est-à-dire les artistes ainsi que les compagnies de disques. Cette semaine, donc, je vous présente les jambes disques. Ou en français, les bootlegs. Ouais. Les jambes bottes. Jambes bottes. Ouais, ouais. Ben, c'est ou ça, des bottes de jambes. Ouais, les bottes de jambes. C'est ça l'histoire que tu as vu sur Wikipédia, sûrement l'histoire de la prohibition. Je trouve ça bizarre que ce mot-là soit resté parce que maintenant, le mot bootleg, ça veut dire absolument rien. Ça veut absolument rien dire. Ben, je peux peut-être vous expliquer en fait pourquoi on dit bootleg. C'est que pendant, t'en as déjà parlé pas mal, le terme bootlegger provient des années 20 pendant la prohibition, alors qu'on cachait des flasques d'alcool recourbés sous ses vêtements pour soit accrocher à la jambe ou bien dans les bottes, comme tu le disais. C'est pour ça que les flasques sont recourbés. Oui, exactement. C'était pour... Il y avait des bouteilles, en fait. Canadian Club, de whisky, faisait des bouteilles, justement, recourbées pour pouvoir les cacher. C'est des grosses bouteilles, en plus. C'était comme des 750 millilitres. Mmh. C'était pas juste des petits... T'avais des bonnes jambes, tu sais. Oui, il fallait que t'aies des bonnes jambes. Mais on disait que c'était surtout les femmes qui faisaient ça parce qu'ils pouvaient être cachés dans leurs grands accoutrements, leurs grands habits. Ou sous leur pli, des fois. Mais, mais ce serait bien sur le bras aussi, parce que sur le bras, tu pourrais avoir une paille, tu sais. Oui, ben oui, certainement. Moi, j'aurais dit un arm leg. Et ça serait moins boot, chaud. Boot arm, excuse-moi. Oui. Oui, moins chaud? Ça oui, non, mais tu sais, je veux dire, strapper après la jambe en dessous d'une jupe, ça garde au chaud aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les jupes comme top, ça n'a jamais vraiment marché. Hein. Non, c'est très malheureux. Ça pourrait être bien. Ça retomberait tout le temps, mais bon. On s'en bat. Les bootlegs, en fait, dans le monde de la musique, ce sont des albums pirates qui sont bien souvent enregistrés illégalement en concert par les fans. Il s'agit bien souvent donc d'enregistrements qui sont lancés sur une cassette audio, un CD gravé et même sur disque vinyle. Ça, c'est assez incroyable. Pas toujours de bonne qualité non plus. Non, exactement. La pratique, en fait, a débuté pendant les années 70, alors que le rock était si populaire que les artistes emplissaient les arénas et autres stades. Les gens pouvaient donc entrer en douce avec leur enregistreur portable afin d'enregistrer les concerts. Et de là, le son pratiquement exécrable de quelques enregistrements. C'est assez incroyable. Et des compagnies se sont même spécialisées dans la distribution de bootleg pendant les années 70. En effet, les compagnies Cornyphone ainsi que Trademark of Quality, c'est assez spécial comme nom, ont offert au public des albums de Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd. Donc, pas mal de groupes, de gros groupes qui donnaient des gros concerts. Il va sans dire qu'elle profitait de toutes les chances qu'elle avait, donc telles que des enregistrements de mauvaise qualité ou des bandes maîtresses volées afin d'offrir des albums originaux et différents que ce que feraient les compagnies à l'époque. Mais le bootleg n'est pas seulement lié à l'enregistrement illégal et live. Effectivement, on retrouve aussi des démos d'albums laissés de côté par les compagnies de disques ou les artistes eux-mêmes. C'est d'ailleurs le cas de l'album bootleg The Great White Wonder de Bob Dylan, considéré comme le premier album du genre bootleg, donc, qui regroupe un ensemble de démos de chanteurs qui étaient vendus en Californie en 1969. Et dans le cas de Bob Dylan, un autre album pirate l'a fait entrer plutôt dans la légende. Il s'agit aussi des Basement Tapes, des sessions d'enregistrement que Bob Dylan avait enregistrées en 1967 avec le groupe canadien The Band et qui ne devait jamais voir le jour. Et les enregistrements sont tombés entre les mains des fans et a circulé pendant plusieurs années avant que Bob Dylan décide de lancer officiellement sa propre version de l'album en 1975. Ah, thinking about the Colorado where I was already raised. Toujours aussi génial ce Bob Dylan. Et c'était la pièce Man of Constant Sorrow qui se retrouve sur The Great White Wonder, donc qui est l'album bootleg qui a été lancé en 1969. Et bien sûr, vous avez entendu ça dans le cadre d'Assemblage Requis, dans le cadre de Phénomène, la chronique avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Ben oui, les deux gars. Donc, il existe aussi un autre album célèbre dans le monde du bootleg. Il s'agit de Smile, un album des Beach Boys enregistré en 1967, mais qui n'a jamais été complété par son créateur, Brian Wilson. Je pense que j'en ai assez parlé pour ne pas nécessairement faire une longue introduction à Smile. Le disque est tombé dans l'oubli, dans les voûtes de la Capitol pendant quelques années avant que les premiers bootlegs, en fait, fassent leur apparition dans les années 1970. Et avec l'accessibilité des cassettes dans les années 1980, eh bien, il est devenu pratique courante pour les fans des Beach Boys de récupérer les extraits de Smile décimés ça et là dans les albums des Beach Boys ou dans le monde du bootleg pour créer leur propre version. Ce fut pratique courante jusqu'en 2005 lorsque Brian Wilson a réenregistré l'album mythique. D'ailleurs, Capitol a repris ses esprits et à 44 ans plus tard, donc, ont décidé de lancer Smile en version originale avec l'ensemble des enregistrements en surplus finalement. Says timely hello, welcomes the time for a change. Lost and found, you still remain there. You'll find a meadow filled with rain there. I'll give you a Oh, Et c'était la pièce Cabin Essence, pièce que vous pourrez retrouver sur un, que vous pouvez déjà retrouver, oui, sur un 45 tours qui est paru avec le magazine Mojo 60s, donc qui est paru cet été. Deux pièces se retrouvent sur ce 45 tours, donc Cabin Essence ainsi que Wonderful, qui se retrouveront sur Smile. L'album sera lancé le 1er novembre. Oh! Longtemps bootlegué, mais maintenant en version légale. Et c'est bien sûr dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante, François-Olivier Marchand et François Ladry qui attend dans un coin. Il est là, on le fouette pendant ce temps-là. Et donc, il n'empêche que le bootleg a servi à faire vivre une portion de l'industrie du disque pendant les années 1970. Effectivement, les petites usines qui fabriquaient des disques vinyles en sous-traitance pour les grandes compagnies imprimaient des bootlegs plus ou moins légaux lorsqu'il n'y avait pas de contrat avec les majors. Et avec les avancements de la technologie, eh bien, le bootleg s'est transformé. L'industrie parallèle s'est transformée donc en hobby, donc entre amis et collectionneurs. Les cassettes audio ont rendu la copie plus accessible ainsi que très peu coûteuse. C'est ainsi que c'est aussi, dis-je, le cas avec les disques vierges ainsi que les MP3. Mais ça, c'est une autre histoire. Avec le temps, donc, les compagnies de disques se sont rendues compte également de leur erreur et ont décidé de lancer les éditions live ainsi que des bootlegs officiels des artistes. C'est le cas des Who lors du concert à Leeds, par ailleurs. Également considéré comme un bootleg légal, lui et aussi Bob Dylan a créé une série spécifiquement dédiée aux éditions légales des enregistrements, démos et autres raretés. La Bootleg Series, qui je crois est rendue numéro 12, quelque chose du genre. Et ce fut aussi le cas de Nirvana et bien sûr les Beatles qui ont eu leur anthologie, donc des versions plutôt légales de leur bootleg. Bref, bien que les albums pirates ou bootleg soient illégaux, il s'agit d'un bonus intéressant pour les fans qui tiennent à posséder l'ensemble des créations de leurs artistes préférés. Il s'agit d'un petit public d'initiés qui prend la peine, de rechercher et d'apprécier ce genre d'enregistrement. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est que l'industrie du disque légal a encore une fois mis beaucoup trop de temps à offrir une alternative aux pirates et a terriblement souffert de ce véritable monde parallèle. Substitute me for him. Substitute my Coke for gin. Substitute you for my mum. At least I'll get my washing done. Substitute your lies for fact. I see right through your plastic mat. I look all right, but my dad was black. Et donc, c'était les Who avec leur album Live at Leeds, considéré comme un bootleg pirate, non pas pirate, mais légal, dis-je, lancé dans les années 60. T'as vu notre public en studio, t'adore, t'as entendu? Oui, public en furie, public en délire. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci, Simon. Merci, messieurs. Beau travail. On te retrouve évidemment à ton émission Catalepsie les lundis. Tu vas être de retour la semaine prochaine. Oui, de retour avec un spécial monstre. Caroline, c'est à 20h. Oui, t'es peurant, ça. toujours. Ensuite, t'as le vendredi matin à 10h l'émission Album Classique, juste avant Rock Classique. Oui. Et tu nous parles de quoi demain? D'un album, disque, ouais, d'un disque. Un vinyle ou il y a au moins un trou dedans, on sait. Soit il est petit, soit il est grand. Il y a un trou, soit petit, soit grand, et il y a la musique dessus. En tout cas, on l'espère. Une émission sur le silence, là. Un thème pour ton émission. Ça serait bien, ça. Un bon 40 minutes de silence. Non, mais tu sais, des chansons qui ont des silences inconfortables dedans. Ah oui, ça, on préfère. Suggestion comme ça. Rock classique à 11h avec Alain Lefebvre. T'as tes éphémérides du rock là-dedans. Mm-hmm. On parlait, j'imagine, de choses avec des dates et des. Oui, des dates, des morts, des vivants, des naissances. Sûrement quelque chose chez Beatles. D'habitude, il y a tout le temps au moins une affaire chez Beatles. Moi, mais c'est l'histoire la plus répertoriée. En fait. Ouais. Donc, c'est à 11h à Rock Classique. Et puis, ça fait pas mal le tour, hein? Il y a Assemblage Rocky aussi, qui est les jeudi matin. Là, il est à 8h30. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est tu parles de nom qui n'a pas rapport, toi, Assemblage Rocky. Ça veut dire quoi, ça? C'est que c'est assemblé avec des chroniqueurs de qualité. Ah, Colin! Wow! On pourrait quasiment utiliser ça. Bon. Donc, merci, Simon, et à la semaine prochaine, jeudi. Merci beaucoup. À 8h. Merci, messieurs. Ouais. On te retrouve tantôt aussi avec François Landry. Ben oui. Pour ta chronique. La chronique. Logocratie 101. On va avoir du plaisir. Moi, ça va brasser un matin. Ouais. On parle de la commission d'enquête. Commission, en guillemets. Ouais. Restez là. Commission. Vous êtes assez fou pour l'écouter. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Vous êtes avec François Olivier Marchand et Mathieu Plante. Ouais, en pièces détachées. Ouais, ben l'annonceur, il l'a pas mal dit, je trouve. Ouais. Il résume bien quand même le concept. Ça ressemble à ça. Il y a tellement de belles voix en plus. Ben en plus. Mmh. En plus, moi, je suis là à chaque semaine, à chaque jour, et puis je capote, puis je fais comme crime. Il devrait animer Assemblage Rocky aussi. Ouais. Tu sais? Non? Ou une autre émission. Ou une autre. Mettons, il pourrait animer l'heure du midi, mettons. Ouais. Mettons, au pire, s'il veut. Au pire, là. Puis il pourrait appeler ça, tu sais, vu qu'il est pas. Des fois, un petit peu con. Le dîner de con, mais. Oh, lundi au jeudi, 11h à 13h. Ça, c'est fou. Bon, la plug est faite, hein? C'est fait. Fait qu'on va accueillir François Landry, qui aime se plugger un petit peu partout, lui aussi. Hein? Ça veut dire quoi, ça? J'en ai aucune idée. C'est Logo Cassis 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Conjoint. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Salut François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Hey, on s'est ennuyé. Hey, ben oui, nous aussi. C'est pour ça que j'ai attrapé une grippe pour compenser. Bon, fait que tu reviens, tu vas nous donner tes microbes parce que tout le monde l'a eu à part moi ici. Là. Tu fais ça exprès pour moi. Hein? On veut te remplacer, Mathieu. Tu vois pas le putsch qui se prépare. Ouais, ouais. Tu es la Pauline Marois du. Ah, c'est fou. Oh non. Mais ça, ça veut dire que les gens sont vraiment tannés. Bon. Thank you. You're very, very, you know. Tu sais, you know what to say. Hein? You know what to say. Même bilinguisme. Pareil. Même pareil. Hein? Pareil. Ouais. Donc, on parle de la commission d'enquête aujourd'hui, mais commission en guillemets. Oui, commission d'enquête, mais juste avant, si tu me permets, deux secondes, j'ai entendu la doléance de François-Olivier à 8h20 ce matin, disant « Je veux qu'on parle de Pauline, c'est avec le fun. Je te réserve le dessert. » Yeah, okay. On va parler de Pauline. Si on fait du bien, on va être content. Parce qu'on n'a pas le choix. Quand j'ai préparé ma chronique hier matin, rien laissait présager que Pauline aurait été en difficulté hier toute la journée. Trois caucus hier, trois réunions de caucus. Habituellement, c'est une par semaine. Là, c'était trois hier, donc... Il n'y a pas eu le choix. Il a fallu que j'adapte ma chronique. À huis clos aussi? C'est toujours à huis clos. Okay. Toujours à huis clos. Mais ils sont sortis en courant? Disons qu'ils n'aimaient pas les médias. Ouais. Donc, commission d'enquête, oui, avec des gros guillemets, gros caractères gras, italiques, caractère 14, parce que c'est pas une commission d'enquête qu'on entre les mains. Il faut pas l'oublier, là, il y a la grogne au PQ, il y a le projet de loi 33 et le projet de loi 35 présentement. On oublie déjà que la semaine dernière, c'était la grosse euphorie par rapport à la commission d'enquête. On se souvient que mercredi dernier, donc le 19 octobre, Jean Charest déclara enfin, après 2 ans et demi, de rebuffade, disant « Je vais en créer une commission d'enquête. » non pas publique, mais juste une commission d'enquête. Ouais. Là, les médias, ils ont dit, ouf, ça fonctionne pas. C'est louche, parce qu'il y a déjà une loi au Québec qui existe sur les commissions. Donc, en principe, le premier ministre demande à ce que cette loi-là soit exécutive. Et puis donc, là, la commission se met en branle. Le juge est nommé ou se fait nommer par l'Assemblée nationale. Donc, elle a déjà une liste de choses à faire ou de, comment dire, de règles à respecter ou à faire respecter. Mais là, c'est pas le cas. C'est Jean Charest lui-même qui a dit « Tu vas faire ça, tu feras pas ça. Ouais, » Et ça, la principale critique, c'était « Ce ne sera que des volontaires qui iront témoigner. » Oui. Puis qui a goût d'aller témoigner? C'est effectivement Yves-François Blanchet, député très connu, très coloré de Drummond, a eu la meilleure métaphore pour illustrer ça. Il dit « C'est comme le jeudi matin quand le troc à vidange passe. Avez-vous déjà vu des sacs de vidange sauter dans le camion? » Ah ouais. Donc, quelqu'un les pimpe puis les sacs de vidange. C'est vrai. Donc, c'est une très belle métaphore pour illustrer qui va pogner un crosseur pour l'envoyer à commission. J'en ai une autre comparaison. Vas-y. Moi, je fais mon rebelle. T'sais, quand je fais mes commissions, ils disent qu'il faut que tu te serves d'un sac. Il faut pas que tu mettes tes affaires dans ton sac recyclable. Il faut que tu prennes un panier. Parce que t'es supposé prendre un panier. Ouais, je le prends jamais. Je le mets directement dans le sac. C'est pas pour rien qu'on veut te tasser de tes fous, Mathieu. Ben, c'est... Écoute, t'es tellement anarchiste. Je suis pas Eric. Ah, écoute. Le pire. Un vrai. Le réveil. Ouais. Donc, là, ça, c'était mercredi le 19 octobre. La fin de semaine qui s'en venait donc à partir du vendredi 21, 22, ouais, ça 23, a changé, là. C'était le congrès du Parti libéral. Donc, il y avait une grogne qui se faisait sentir. Ben, c'est sûr. On savait pas trop. Il y aurait peut-être même eu des démissions au sein du Parti libéral qui, pourtant, est un parti ultra discipliné. C'est pratiquement le parti communiste soviétique. Il y a personne qui peut s'en sortir de là vivant. Donc, personne n'en sort. OK? Ça est arrivé à l'accident. Un peu de banane. C'est vite arrivé. Mais là, le 21 octobre, avant même que le ministre de la Justice, Jean-Marc Fournier, soit mis au courant, Jean Charest convoquait les médias pour dire « Finalement, on change les règles de la commission. Pourquoi? » Là, tout le monde dans les médias ont dit « C'est parce que le barreau du Québec a donné son désaccord à cette commission-là. » Ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, mais c'est pas ça qui a rempli le verre d'eau. Okay? Il y a trois raisons principales. Je vais les énumérer ici. Donc, la première chose, c'est parce que sur le plancher du Congrès, donc les délégués, qui sont les présidents d'associations ou les délégués d'associations régionales et de circonscriptions, de même que plusieurs députés poids lourds, ont dit « Non, on n'est pas à l'aise du tout à défendre cette commission-là. Pas du tout. » Et là, il y aurait peut-être même eu une résolution d'urgence demandant de faire une vraie commission. Donc, ça aurait été un échec total pour Jean Charest, qui y suit une rebuffade de par ses membres, ce qui n'est pas toléré au Parti libéral. Et aussi, il y aurait eu le débat d'urgence qui aurait monopolisé l'ensemble du Congrès. Parce que dans un Congrès, c'est une résolution qui est apportée le vendredi, qui est discutée le samedi et qui est votée le dimanche. Donc, pendant toute la fin de semaine, au lieu de parler du Parti libéral, on aurait parlé de la résolution pour contrecarrer la commission. Donc, Jean Charest a dit non, non, non, faut pas faire ça. Et aussi, il y avait des rumeurs d'émissions de députés et même de ministres. L'opinion publique aussi a joué. Un petit peu. Ouais. Ben, parce que, en fait, c'était partout. Ouais. C'est ça. Ça faisait la nuit. Il n'y avait pas d'autre actualité. Il n'y avait pas de chat mort dans un arbre à Saint-Célestin cette semaine. Donc, il ne pouvait pas faire la une du Journal de Montréal avec ça. Donc, on dit, on va parler de la commission d'enquête. Écoute, on est obligé de parler politique. On est obligé. Écoute. Deuxième chose qu'il y a eu. Le décret était illégal. Ce que Jean Charest a annoncé le mercredi, c'était illégal. Parce qu'il y a une loi qui existe, comme je l'ai dit en introduction, et donc on doit se fier à cette loi-là. Donc, en appelant la commission d'enquête un décret gouvernemental, ça se rapporte à la loi. Mais comme ça ne se rapporte pas à la loi, ça ne peut pas être un décret. On me suit? Donc, plus ou moins. OK. Il y a une loi qui existe. Okay. Donc, si on dit le gouvernement passe un décret... C'est quoi? C'est une résolution votée en Assemblée nationale pour dire on se base sur la loi pour la faire appliquer. Okay. Parce que la loi existe, mais on ne l'applique pas là. Donc, en la faisant appliquer, on crée la commission d'enquête. Donc, c'est un décret gouvernemental. Mais là, en disant on ne suit pas la loi, mais on crée un décret. C'est absurde parce que... Faut que tu te bases sur la loi. Donc, c'est un jeu de mots très subtil. Il aurait fallu dire que c'est une décision gouvernementale et non pas un décret. Donc, le barreau du Québec, c'est là-dessus qu'il piochait pour dire que c'est illégal. Donc, on aurait parlé d'une commission hors la loi. Ça, c'est ceux qui sont freaks de la politique, là. C'est sûr. Il aurait pu jouer sur les mots là-dessus. Puis Jean Charest, c'est un avocat. Hein? C'est un avocat. Donc, on aurait dit, retourne faire tes devoirs. T'as jamais pratiqué, ça serait le temps que tu y ailles. Parce que c'est vrai, il a jamais pratiqué Jean Charest. Il a jamais plaidé de cause. Il a passé son barreau puis s'est fait élire. Et voilà, pour le Parti conservateur au Canada. Et la troisième chose, notre cher juge Carbonneau, celle qui est la bien-aimée des journalistes et de tout le monde qui est pour la vertu, était même pas au courant elle-même qu'elle était pour être juge. Ah non? Oh, que non. Elle l'a appris comme ça? Elle l'a appris de par le chef de... le juge en chef de la Cour suprême, qui c'est lui qui reçoit les demandes du gouvernement pour dire « OK, j'ai une liste ici de personnes qui pourraient faire les avocats, les juges, les procureurs, tout ça. Donc, la juge Charbonneau, c'est elle que je recommande. » Donc là, en principe, ça se fait en négociation. Jean Charest demande au juge en chef. On va voir... la juge Charbonneau ensuite pour dire voici ce qu'on te propose, on rentre en négociation et ensuite on sort publiquement. Mais là, Jean Charest, tellement pressé d'annoncer une commission d'enquête avant la tenue du congrès, a dit c'est la juge Charbonneau avec ces règles-là. Okay. Là, il y a eu des négociations jeudi, vendredi, et je sais pas si vous avez vu vendredi Jean Charest devant les micros. Il avait l'air malade. Les cernes blêmes, les cheveux blancs, pas frisés, pas peignés. C'était pas couché bien, ben. Il avait comme pas dormi, OK? Ça, c'était vendredi, à la veille du congrès, là. Parce qu'il avait négocié toute la journée avec la juge Charbonneau. Et là, la juge lui avait imposé trois conditions. Donc, elle voulait prendre un temps de réflexion pour confirmer sa décision. Ouais, c'est ça, parce qu'elle a pu refuser, là. Elle aurait pu refuser. Donc, on imagine, Charest dit, on fait une commission d'enquête illégale avec une juge Charbonneau qui ne veut pas présider. ça va mal. Ensuite, elle dit qu'elle n'accepterait pas de continuer que si le mandat de la commission était modifié pour satisfaire certains besoins, dont la volonté d'obliger les personnes à venir, entre autres. Donc, à venir témoigner. C'est ça. Donc là, Jean Charest n'a pas eu le choix de dire, finalement, on va obliger les gens à aller témoigner si la juge le demande. Donc, on pèle dans la cour de la juge. Et troisième affaire, c'est que la juge, et ça, c'est toujours pas réglé, c'est en négociation, la juge n'est pas immunisée. Donc, elle peut entendre X à Curceau, pour ne pas le nommer, ou Tony Y, disons-le comme ça, OK? Et Tony peut la traîner en cour après pour diffamation, pour l'avoir traînée dans la boîte. On s'entend qu'une juge n'est pas immunisée dans cette commission d'enquête-là. C'est bizarre, ça. C'est très bizarre. Mais c'est... pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de la loi sur la commission d'enquête. Donc, c'est Charest qui a oublié cet article-là dans sa décision gouvernementale. Okay. Et c'est une bonne façon aussi pour que la juge n'ait pas à contraindre de gens trop importants à ce... Voilà. Parce que ça l'oblige quelqu'un, lui peut la traîner en cours après. Donc, est-ce qu'elle va le traîner en cours obligatoirement? Mais la personne qui exemple Tony... Ouais. Notre cher Tony. Porte des accusations contre la juge. En fait, sur quelle base? Diffamation. Diffamation juste parce qu'il a été retenu? Ouais. Ouais? Il peut. Écoute, au Québec, c'est très facile de traîner quelqu'un en cours. Donc, ouais, mais c'est à huis clos. Puis, son nom va être quand même cité. Ben, son nom... Quelqu'un, suffit qu'on le voit passer devant le palais de justice, mais il s'en va témoigner. Oh, ouais. Tu sais, tout ça, ouais, là, c'est assez bizarre. Ouais, donc, la juge, en date d'aujourd'hui, là, n'est pas immunisée. Donc, est en train de négocier. Ça peut changer. On l'espère. Ça peut, peut-être. Mais ça semble, c'est totalement illogique. Là. Parce que pour l'instant. Si tu témoignes, c'est pas contre la personne en tant que telle, c'est pour avoir. C'est pas grave, ton image de marque est affectée. Mais arrête. Ah, c'est ça. Bienvenue au Québec, François. Ah, merci. Goût de m'en aller en Floride. Il fait plus chaud. C'est pas mieux, je pense. Non. Là-dessus, au moins la température. Là-dessus, George Bush en 2001 a gagné des élections frauduleuses. Fait que, c'est pas mieux là-bas. Donc, tout ça pour dire que oui, elle est pognée dans un coin. Elle est peinturée dans un coin. Et même Jean-Marc Fournier là, s'en est mêlé finalement en fin de semaine pour dire « OK, la juge va faire ça, mais la police va faire ça. » Donc, la juge a le choix entre, dans son coin droit, la police, et son coin gauche, que je pourrais dire aussi l'autre droite, Jean-Marc Fournier. Donc, elle est coincée entre l'enquête policière et le gouvernement. Donc, elle n'a pas les deux mains libres. Elle n'a pas les deux mains sur le volant pour reprendre l'image tant adorée des libéraux. Donc, mais est-ce que vraiment ça peut nuire à l'enquête policière? Vraiment, sincèrement. Selon plusieurs spécialistes, non, ça va aider. Mais en quoi ça peut nuire? C'est sûr que les preuves que présentement, tu ramasses, présentement, les preuves qui sont déposées en chambre ne peuvent pas être récupérées par la police après. Donc, tu peux déballer ton sac en commission, en huis clos. Donc, tu es protégé, tu es même immunisé en huis clos. Ouais. Mais la police ne peut pas se servir de cette preuve-là pour faire un lien avec un autre dossier. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais si la police réussit à faire un lien... Oui. Si la police le fait avant... Ah, ben, avant ou après, parce que c'est un huis clos, donc ils ne sont pas supposés être au courant. Non, elle ne peut pas retenir la même preuve. Donc, s'il y a une balle de fusil retrouvée, que le gars la porte en chambre, dit « j'ai la balle ici pleine de sang », la police ne peut pas s'en servir. Hey, ça va bien. Ça va bien, certainement. Donc, c'est pour ça que c'est une commission, entre guillemets, d'enquête. C'est juste pour faire patienter les Québécois en attendant des élections prochaines. Et là, la date à surveiller, c'est le 18 novembre prochain. Je vous l'annonce. Ouais, ouais. Non. C'est la date à surveiller dans son ensemble parce qu'il pourrait y avoir soit des élections partielles dans Matapédia. On se souvient que notre cher ministre... je me souviens déjà plus de son nom. Tabassi? Non, l'autre, là, la cute, là. La cute? Hein? La Nathalie... Normando, oui. Elle. Ah, c'est vrai que... Elle est cute. Jolie femme. Ouais, jolie femme. Ouais, dans le monde ministériel, c'est rare. Donc, elle, vu qu'elle a démissionné, il y a une partielle qui doit avoir lieu d'ici le mois de mars. Mais là, la date avancée serait le 18 novembre. Donc, s'il y a une partielle le 18 novembre, il n'y aura pas d'élection générale avant un an. C'est une loi non écrite. Okay. Mais s'il n'y a pas de partielle le 18 novembre, attendez-vous à ce que... Là, c'est bientôt. Surtout que Pauline Marois est dans... Je note pas à peu près. François Legault fonde son parti officiellement le 14 novembre. Donc, s'il n'y a pas d'élection partielle là, qu'il y a des élections générales au mois de décembre, comme j'avais déjà prédit ici, il n'y aura pas le temps en 2-3 semaines de se revirer de bord et de créer un vrai parti efficace. Il va juste pouvoir nuire au Parti québécois et non pas au Parti libéral. Mais si Jean Charest attend, Paul Marois va être dans déchéance totale. Ben, c'est déjà commencé. La porte est grande ouverte. Et François Legault va avoir le temps de s'organiser. Donc, éradication totale du Parti québécois. Donc, Jean Charest aurait les coups des franches, peut-être pour avoir un gouvernement du moins minoritaire, mais au moins, il aura réussi son pari en redevenant pour une quatrième fois de suite premier ministre du Québec, battant le record de Maurice Duplessis. Et là, il va passer à l'histoire. Pas par la grande porte. C'est ce qu'il veut? Il veut avoir un chapitre à lui dans le grand livre de l'histoire illustrée du Québec. Il va l'avoir quand même. Il veut se faire comparer encore plus à Maurice Duplessis. Plus grand encore. Ouais, parce que développer le Nord comme Maurice, et il aura survécu le plus longtemps possible. Mais il va l'avoir quand même, non? Moi, je gagerais que oui. On se retrouve avec un gouvernement libéral à la prochaine élection. Oh oui, mais là, on veut parler du Parti québécois avant que ça se termine la chronique, parce que je sais que Mathieu, il frétille de voir qu'est-ce qui arrive avec son idole bien-aimé. C'est vrai, ça. Écoute. Hier, il y a eu un sondage, deux sondages coup sur coup, la semaine dernière et en fin de semaine, disant que malgré la déconfiture du Parti libéral dans la commission de l'enquête, entre guillemets, Pauline Marois était en dessous de Jean Charest dans les intentions de vote. Le Parti québécois était en dessous du Parti libéral des intentions de vote. Et même mieux, pire que ça, le Parti québécois serait un tiers parti proche d'un parti d'indépendant. Proche de l'ADQ, genre comparable à 4 à 5 députés, 6 si ça va bien leur campagne électorale. Hey, 6 parce que ça a bien été. Parce que ça a bien été. Donc là, il y a quelqu'un, 4 personnes, 4 députés pour ne pas les nommer, Guillaume Tremblay, Daniel Raté, André Villeneuve et Guy Leclerc dans Lanaudière-Laurentide, donc le bastion fort habituellement de François Legault, donc des nationalistes québécois, pas nécessairement des indépendantistes, mais des nationalistes, qui ont ouvertement demandé hier en caucus la démission de Pauline Marois. Tu pars ou on part? C'est osé hein, quand même. C'est la première fois que c'est clairement exprimé. Tu décris. Bon, OK. Sac ton camp. Sac ton camp pour être poli. Et là, Stéphane Bédard, celui qui à l'Assemblée nationale, qui a les lunettes puis qui gigote tout le temps, puis tu sais, c'est un... Celui qui parle bien. Celui qui sac tout le temps. OK, pas lui. Non, celui qui est assis à la gauche de Pauline Marois. Le whip. Le leader parlementaire, pas le whip, le leader parlementaire, celui qui ramasse les coups pour Pauline habituellement, qui est un fidèle, un inconditionnel de Pauline Marois. C'est quasiment incestueux leur relation tellement qu'ils sont proches. Lui a fait le tour des députés un par un puis il a dit, écoute, tu rentres dans les rangs ou tu sacs ton camp. Tout clair que ça. Mais c'est pas une bonne stratégie, on s'entend. Mais il s'en est rendu compte, parce que lui, c'est un idéologue, c'est un dogmatique. Ben oui, mais ça lui, prend pas la cause avant. Non, mais ça, il l'a pas à tête à Papineau. Donc, il a dit, tu sacs ton camp ou tu rentres dans les rangs. Fait qu'il y en a quatre. Les quatre ont dit, parfait, on va sacrer notre camp, mais on va entraîner avec nous un total de 10 personnes. 10 députés, c'est le quart du caucus. On s'entend, ils sont à 40 députés. Donc, le quart, on tombe à 30. On s'entend qu'à 30, tu peux plus rien faire. Ben, pour le cas du Parti québécois, tu peux plus rien faire. Surtout que là, à 40, ils peuvent rien faire. Donc, Stéphane Bédard a dit oh, c'est correct d'abord, tu sais, en grommelant, puis en la tête entre les deux jambes. Il a fait ça. Donc là, ces quatre-là ont dit on réclame la démission. Il y en a six autres, eux autres sont pas connus, là. Les quatre que j'ai nommés, c'est des backbenchers qui font les voyelles à l'Assemblée nationale. Donc Mais ils ont quand même été élus. Ils ont été élus, donc, par une très faible majorité, donc par 1000 à 2000 votes. Donc, eux autres, c'est certain que s'il y a des élections sur la bannière péquiste, ils passent pas. Donc, ils ont peur pour leur passion de vieillesse, pour leur job. C'est un salaire. Ben, à la limite, ils n'ont rien à perdre. Ils ont tout à perdre, leur crédibilité. Donc, quand tu te fais battre, habituellement, c'est dur de dire « j'ai déjà été un député... » Non, c'est ça, mais ils n'ont rien à perdre de quitter le parti. Ouais, exactement, de se mettre dehors ou de perdre aux prochaines élections, ils perdent de toute manière. Autant jouer le tout pour le tout. Mais là, il a réentraîné avec eux autres six autres députés, mais des députés majeurs. On parle peut-être ici de Bernard Drainville. On parle peut-être de Stéphane Bergeron. Et qui, soit dit en passant, Stéphane Bergeron, je l'adore de plus en plus parce que c'est vraiment lui le leader, le ligueur de contre Pauline Marois, mais sans le savoir. Il est innocent dans le sens naïf du terme. Là. C'est que cet été, quand les quatre députés ont démissionné, donc Haussamme, Baudouin, Curzi et Lapointe ont démissionné, lui est allé voir, est allé négocier de son propre chef avec le Parti indépendantiste pour dire ce sera le fond une coalition de partis indépendantistes. Parce que le Parti indépendantiste, c'est le sixième plus grand parti au Québec, avec 1,4% des votes. C'est pas beaucoup, mais c'est gros dans l'échiquier politique. Là, le PQ n'a pas aimé du tout qu'il y ait une coalition sans le savoir. Mais là, Bergeron, cette semaine, la semaine dernière, mercredi passé, est allé dans une rencontre partisane de Québec solidaire. Parce que Québec solidaire proposait son projet d'indépendance du Québec. Donc, un pays de projet. Et Stéphane Bergeron, lui, il trippe indépendance du Québec. Fait qu'il est allé là. Mais il est allé voir, il est allé s'informer. Il est allé là, mais pendant une rencontre du caucus du Parti québécois. Donc, il s'est absenté du caucus pour aller à la rencontre de Québec solidaire. Et quand le Stéphane Bédard, le flamboyant Stéphane Bédard, a su ça, il te l'a enguirlandé devant tout le monde, ce qui se fait plus ou moins, tu sais, manque d'éthique un peu. Donc là, Bédard, il a dit, écoute, là, il faut que Marois se branche. Es-tu indépendantiste ou allais-tu pas? Ça ne l'est pas qu'à Saxon 4. Ouvertement. Et là, ça, c'est une autre grande parenthèse, mais hier, juste pour conclure, parce que je sais que le temps file, à l'Assemblée nationale, hier, pendant la période de questions et de réponses orales, c'est de même que ça s'appelle, il y a eu un incident qui a passé inaperçu pour le grand public, mais si on le regarde et qu'on écoute attentivement, c'était jouissif. Puis ça, en fait, là... les libéraux l'ont vu. Ouais, mais ils peuvent pas l'exploiter parce que c'est pas public. Non, c'est sûr. Mais... parce que quand le président de l'Assemblée nationale se lève, la caméra se braque sur lui et tous les micros s'éteignent. Mais le micro du président est quand même allumé pour l'entendre, mais il peut capter des sons en sourdine, mais quand ça gueule, on l'entend. OK? Et puis ça gueulait vraiment là, fort. Ça gueulait, mais pas entre les libéraux et le PQ, mais entre des péquistes eux-mêmes. Ils s'enguirlandaient en chambre entre eux autres. Ben, c'est quelque chose de fréquent, je pense, mais là, ça devait être assez exceptionnel de ce côté-là. Le président s'est levé, tout sourire, en disant « Qu'est-ce qui se passe là? Calmez-vous! » Écoute, puis là, il a fait une joke, il dit « Monsieur le député libéral, pardon, PQ, dites à votre confrère péquiste de se taire! » Donc, c'était... moi, écoute, j'ai eu... c'était un bon moment. Ah, c'était un bon moment, c'était un... Donc, à drôle de vidéo, il gagnerait le voyage en fait. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, tout ça pour dire que je vais être impoli ici, mais la marde est pognée au Parti québécois. Solide. Et là, Pauline a dit hier, aux petites heures, après le caucus qui a duré de 8h aux petites heures du matin. On ne sait pas à quelle heure ça finit parce que les journaux, leur deadline est arrivé. Aux petites heures du matin, après minuit, ça c'est certain, a dit « Je m'accroche au pouvoir ». Donc, jusqu'en décembre. Parce qu'en décembre, c'est le conseil général du Parti québécois. Et là, elle pourrait annoncer qu'elle quitte. Mais d'ici décembre, il y a plusieurs jours, plusieurs dodos et plusieurs autres gaffes qui peuvent arriver. Moi, je garantis pas que les 40 députés vont être encore là en décembre. Non? Non, moi, je suis prêt à parier que d'ici quelques jours, au moins 4 à 5 autres démissions au Parti québécois. Je suis pas prêt à gager ma chemise là-dessus, parce que j'aime ma chemise. Et bien, le PQ ne mérite pas que je gage ma chemise pour eux autres, mais au moins un bout de don, tu sais, je suis capable. Mais, mais avec ça, mettons, avec 4-5 départs, Pauline Marois... C'est fini. Le PQ est fini. Mais Pauline Marois, elle s'accroche encore? Là, il va falloir que j'aille parler dans le blanc des yeux pour dire là, Pauline. Non, mais François, quoi, il va voir tu te lèves. Oh, ouais, là. Au monde, là. Il va falloir que je mette mes culottes. Oh, ouais, hein? Pas chouette. Il va falloir que. Appelle Denis Coderre, là. C'est ça, Denis, appelle Pauline. Il y a de quoi qui marche pas, là. Fait que pour l'instant, le PQ, c'est un feuilleton à l'américaine. C'est fou, écoute, c'est. Top model, c'est rien à côté de ça. Écoute, J'ai hâte de voir la sœur jumelle morte de 30 ans revenir ressuscité pour dire « Je suis Pauline Junior. » Pauline Junior, donc c'est sa propre fille, mais c'est aussi sa sœur. Ah ben c'est ça, un soap américain. C'est ça, on comprend rien. Non, je regarde pas assez ça. C'est plein de rebondissements. Ouais. Merci François. Hey, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Jeudi prochain, jeudi prochain à 8h30 pour notre chronique Logocratie 101. On va sûrement parler du PQ. Oh, quand oui. J'annonce demain. J'ai hâte. À nous, c'est la fin de l'assemblage requis pour la semaine, François. Oui, ben oui, certainement. Non! Prends pas ça comme ça, Simon. Écoute, on revient lundi et lundi spécial Halloween. Oui, c'est vrai. Hein? On va être déguisé, vous ne nous verrez pas. Fait que on n'est pas obligé de se déguiser. On se déguise enfant. Est-ce que Xavier va être là lundi? Oui. Ah, je peux vous dire déjà en partant, il va faire de quoi avec du chai à la citrouille. Ça, c'est sûr. Il l'a fait cette semaine, là. Ah, mon. Lundi nous. Dernier. C'est vrai? Ouais. J'avoue qu'il aurait pu garder ça pour lundi. Ouais. Non, mais il va nous surprendre quand même. Sûrement, ça va être super bon. Donc, Xavier Antoir avec sa chronique Tétois et Cuisine. On a aussi Kiwan en cavale en direct de l'Alberta avec de la musique canadienne. Et aussi lundi, Nicolas Ducharme. Oui, certainement. De l'écho de Trois-Rivières. Tout à fait. Voilà. On va parler de sport. Tout à fait. Restez à l'écoute pour l'émission Le Dîner de Plomb qui s'en vient à 11h tantôt. Avant ça, j'anime CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques CNX d'assemblage requis. C'est à 10h. Moins 5, moins 10. Ensuite, à 13h, 6 degrés, et je serai de retour encore une fois parce qu'il n'y aura jamais assez de Mathieu Plan. À 14h, avec les palmarès, c'est fou. Puis en soirée, c'est la spirale avec Mathieu Leblanc-Houle, le Sky Punka à 19h et le lobby avec de la musique électronique à partir de 20h. Passez une excellente fin de semaine. Merci François. Olivier Marceau. Plaisir, Mathieu. Merci à toi. Merci à François Landry. Merci François. Fais-nous plus jamais ça, là. Faut que tu viennes à chaque semaine. On aime ça. Ah, parce qu'il y en a raté. Hey, Simon Fitzbé aussi. Monsieur Plante. Merci. Monsieur Marché. Monsieur Landry. Monsieur Fitzbé. Merci à Régis Solerie. Merci Régis. Bye. Bye. On finit plate, on dirait. Il n'y a pas de grosses blagues, mais de gros moments. Pauline. Pauline! Pauline! La Pauline, la seule Pauline. C'est ça qu'on se quitte avec une pièce de Peter. Rien ne nous rassemble. Bye. Rien ne nous rassemble. C'est bien ça. C'est bon cette chanson-là. François va l'aimer. Plus. Quoi? J'aime ça, Peter. Je parlais à François Landry. Ah, c'est mêlant les noms, hein. Ouais. François, il y a un beau nom. M'a tapé Pauline. Ah non. S'il te plaît. Une chorale d'animaux serait. Sous ma fenêtre, ils chantent fort, ils chantent faux. Mais le refrain lui reste beau. Il me remémore que moi aussi j'aimais chanter, que moi aussi j'aimais compter sur mon armée de camarades. Si je me sens seul, c'est que rien ne nous semble, rien ne nous semble. Si on se sent seul, c'est que rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien. Il m'arrive par moment de faire semblant d'être mort pour voir combien de temps s'écoule avant que l'on réclame. Tu es le soleil noir comme des années-lumière. Chaque fois je flanche, je téléphone dans ma détresse la plus sincère. Si je me sens seul, c'est que rien ne me semble, rien ne me semble. Si on se sent seul, c'est que rien ne nous rassemble, rien ne nous rassemble. Si je me sens seul, c'est que rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble. Si on se sent seul, c'est que rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien. Rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble. fonctionne.